Ouais, c'est clair, je suis fier, j'ai nécessaire, mais je suis pas père. On dit que les frères, ça s'entraide, on n'est pas les traîtres. Ouais, t'es prêt, bébé, descends ta ferme, tu réclaires. Vas-y, comme un éclair, je te laisserai pas le temps de te faire. Laisse-moi prendre le son, taisez-vous s'il vous plaît. Gère comme si du bon son, ça te plaise. Ouais, à l'aise, hey, représente 0-1. Plus tard dans la peau, ça ne change pas. Je suis dans le bees. Welcome to my bees. The bees. Okay. C'est nature que je vis, j'étais toute seule dans son lit. Elle savait pas qu'elle est comme moi, existait encore par là. Je la vis sur la piste et comme elle bougeait sous le sud, je fis des pas comme pour m'approcher des hauts. Au premier coup d'œil, j'ai su que j'avais affaire à une piège pas banale, animale, mais le feu dans la salle. Pourquoi ça? Je sais pas, elle était si spéciale, spéciale. Suspicionnée. D'un air bestial, cette beauté infernale faisait taper des scandales, devant tout son entourage de naze. Après maintes de délire, elle me donna son numéro. Je bloquais sur son rire et ça me mettait tout beau. Une semaine plus tard, et jusqu'à nos jours, on vit une histoire trop classe pour nous. Fallait voir pourquoi y'en avait contre nous. Y'en a contre nous, et toujours contre nous. Acharné, à tout casser entre moi et cette déesse. Ils faisaient tout pour parler quand on avait une faiblesse. Eux, à fond sur elle, en état d'ivresse. Et elle, ciblée sur moi, en grosse détresse. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, ta tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, ta tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, tête haute, fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. Alors, ouais, j'ai fait des choses qui étaient pas tout en clair. Pourquoi ça? Je sais pas, j'avais sans doute juste les nerfs. Va voir un psy. C'est pas un doute, faut que tu saches que je suis fier. J'ai le flair, fait de chair, simplement j'aime ta mère. Pourquoi faire, se détendre, poser dans le sable bien pépère. J'attends la bise d'air frais qui pourra me calmer les nerfs. Car ces temps-ci tout est contre moi. Je sais pas où mettre ma tête, ni quelle fenêtre ouvrir. Même en pense bête, on fait le bilan calmement comme Jackie et Benji. Soit remettre en ordre toutes les idées dans le système. Parce que je débarque à la teuf, c'est sans ça j'ai la touffe. C'est comme ça que ça se passe, oui j'ai la touffe. Autour de moi, un truc de ouf, des grosses biaches sous la joue. Pourquoi toujours faire le moine alors que la bille est trop dessous. Ondulation et position, c'est comme ça qu'elle nous en foutre. Rien à foutre de résister, oui rien à foutre de lâcher. Pour ma part j'ai rien à foutre. C'est pour ça que je suis debout. Aller partout, faire vivre ma musique. Ma voix à bout de souffle, c'est flou. Je me roule en boue, ma cape rouge et mon blouse. Mon marché l'emboule. Soudain, idée dans ma tête, je suis plus dans le rouge. Face au passé, je peux qu'assumer les roues. Je suis jaloux, les ratés, les occasions manquées. À faire toujours les fous, on se bouge. Car la belle vie c'est ça qui nous pousse. Aller plus loin, réussir dans notre vie. Yeah, American dream, man. Check it out. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, ta tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. Yeah, c'est clair, yeah, je suis fier, yeah, j'ai le nécessaire, yeah. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, ta tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même, yeah. C'est clair, yeah, je suis fier, yeah, j'ai le nécessaire, yeah. Te laisse pas faire, ça pourrait te coûter cher. Les épaules droites, tête haute, te fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même. C'est clair, je suis fier, j'ai le nécessaire. Te laisse pas faire, ça pourrait coûter cher. Les épaules droites, tête haute, fiche pas par terre. Au fond de toi, dis les choses, te mens pas à toi-même.